je n'y vois plus rien. Des visages difformes, des sourires de carton. J'y ai vu ton nom encore un peu effacé sur les lignes de mon oreiller. Devant le miroir, j'ai vu des hommes descendre pour des billets, et des hommes crevés sur des montagnes de cendres, et des âmes perdues sur le bord des trottoirs. Est-ce qu'au fond de nos rues il nous reste encore de l'histoire? Il n'y a rien à faire, j'ai plus le goût de rien. Si m'arracher la gorge m'amènerait à demain, devant le miroir, oh mon amour, je n'y vois plus rien. Peut-être de l'éphémère, de la boue dans nos mains, devant le miroir, ouais, tu le sais bien. J'ai coulé tellement de larmes, enterré tellement de chagrin. J'ai vu des hommes se trouer la peau juste pour excès d'amour. J'ai vu des hommes oiseaux se donner des ailes pour unique secours. J'y ai vu tant de fois des gueules difformes, et j'ai crié tant de fois juste pour que tu t'endormes. Ouais.